Avez-vous des questions? Qu'allume-feu pour transférer l'esprit de la matière? C'est prendre tout ce que j'ai de sûr dans mes vies, principalement d'être capable de reconnaître l'intelligence comme étant quelque chose que je ne peux pas contrôler. Okay? Je ne pense pas que je peux contrôler de l'intelligence, mais je pense que de l'intelligence, elle peut faire quelque chose avec toi en dehors de ce qui est, pour moi, de l'ego, du contrôle. Okay? Puis si je la suis, ça va faire des bonnes choses. Quand je me suis ramassé à Dundee, là, j'avais pas l'impression d'améliorer ma vie, là, égoïquement parlant. Mais quand je regarde le monde qui s'en va à Montréal, puis qui ont 2 heures de route pour se rendre à leur ouvrage en partant de Laval, moi j'ai 1h15 de Dundee à Laval, c'est eux autres qui sont dans le problème. Là. Parce que c'est eux autres qui stressent sa route. Moi, je ne stresse pas. Je suis du beau chemin tout le long. Fait que vivre à Montréal, pour moi, les forces m'ont sorti de là. Juste parce que j'ai obéi à ce qu'ils m'ont dit de faire, de m'en aller sur une terre agricole. Ils m'ont dit, c'est une terre agricole, tu dors, mon homme, hein? C'est la nature. Fait que quand tu as une capacité, c'est, ma force à moi, c'est d'être capable d'obéir à ça. Je ne suis pas plus intelligent que vous autres. Je suis plus conscient que vous autres. Mais si tu me dirais, es-tu plus intelligent que Jacques? Jamais dans 100 ans. Il me bat sur bien des affaires. Il y a des affaires, tu sais, que je ne saurais jamais. Mais le fait de savoir que les forces me pilotent, que mon esprit, qui est une partie des forces, me pilote, et puis qu'ils ont toujours été bons. Bon, pas bon, attends une minute. Ils ont été précis. Bon dans le sens moral du terme, non. Ils me testent tout le temps. C'est tester, pour moi, c'est arriver avec des échéances, des blocages. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup, surtout cette année, parce que astrologiquement, là, je suis dans une mauvaise passe. Je suis dans le bout du film où le héros mange une volée. Là, fait que c'est tough. Mais avec eux autres, c'est comme... même si j'allais mourir dans 1 an ou dans 6 mois, peut-être à soir, ça va être bon. Tu sais, je vais avoir fait une bonne vie. Tu sais, je vais avoir travaillé. J'ai un gros héritage en CD et en 50 cassés. Que j'ai fait ma job. Donc, pour moi, mourir, ça n'a pas d'incidence dans ma vie. Ça a peut-être une incidence pour vous autres. Vous n'aurez plus de conférence, vous n'aurez plus votre messe du dimanche là, ou du vendredi soir. Mais ça n'a pas plus d'impact que ça. Là, tu sais. Ce qui est important, ce n'est pas le messager, c'est le message. Bon, si vous autres, vous êtes capable d'arriver à ce niveau-là de détachement de votre âme, de vous détacher de votre ego, puis que vous arrivez à traiter strictement avec votre source, puis donc par vibration, il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus de... Le doute, tu sais, il va être pas mal neutralisé. Surtout si, en plus, vous développez votre certitude avec d'autres, les petites limites de doute qui vous restent, vous allez pouvoir les parler. Vous n'avez pas d'idée à quel point c'est important de parler avec des gens qui sont capables de vous lire, qui sont capables... Moi, j'ai un terme pour ça. Qui sont capables de vous habiter. Moi, les gens viennent en consultation, je les habite. Je rentre dans leur tête, je rentre dans leur vie. Je deviens une entité ambulante pour eux autres, tu sais. Mais dans le sens que je protège leur identité en les laissant décider. Je m'impatiente un peu pour que ça bouge, là, parce qu'il y en a que c'est slow-mo. C'est du Lacarnation que tu mets dans ton café, là. C'est épais, là, pas mal. Mais je le mets tout le temps sur une traque pour que la personne se libère, pour qu'elle améliore sa perception, qu'elle améliore sa vie. En d'autres termes, ça, les plans, ne donnent jamais de mauvais conseils. Donc, si l'autre est capable de me prendre pour son double, le temps qu'elle se connecte à son double, bien, Christ, c'est en voiture. Puis si vous avez ça, la chance d'avoir des gens qui ont un certain contact, hey, vous avez la chance ultime dans votre vie de vous ajuster vite devant différents types d'événements. Puis faites bien attention, vous ne vous ajustez pas parce que vous avez un jugement sur l'autre. Ce n'est pas votre jugement qui est important, c'est de lire. L'événement, c'est un événement, c'est un constat de fait. Ce n'est pas un jugement sur quelque chose. Vous allez juger avec votre mémoire. Vous allez juger avec des patterns rationnels. Ça va nulle part, là, ça. T'en vas dans mon coin, c'est tous des farmers. Mais c'est quand même du monde qui pilote des moissonneuses-batteuses de 600 000 $. sur le cruise control dans le champ, à 2h30 du matin. Ça travaille tout le temps, puis la moissonneuse-batteuse aussi. Il change de pilote, l'un, il va se coucher maintenant 6h, 7h, puis il rembarque sur la moissonneuse-batteuse, puis ils ont des milliers d'arcs à couper, là, puis tout le kit. Non, c'est débile, tu sais, c'est pas parce que... C'est pas parce que t'as pas été à l'université que t'es pas capable de piloter ça. C'est gros, ces bébelles-là, là. C'est pas petit, là. C'est pas des petits tracteurs. Quand t'as un tracteur que tu vois sur la route, là, t'as affaire à prendre... breaker, hein, parce que c'est gros en terre. Ça, c'est un peu plus large qu'un auto, ce chemin. Ben, si tu veux passer entre les deux roues, ben, bonne chance, mais il y a un trailer derrière. C'est pas bon. Donc, vous avez des gens avec qui vous pouvez développer de la certitude dans une lecture des événements. Il faut parler pour ça, là! Il faut pas que tu restes chez vous et faire des prières à Bouddha, là. T'as une dynamique. Tu te mets en relation avec les gens. C'est la base. Quand je vois du monde qui ont l'air à trouver que parler, ça sert à rien, va me confier, il va faire des secrets, le monde va me savoir. Ben oui, ben c'est ça le jeu. Te faire savoir, puis te savoir, savoir l'autre. Et toute la game est là. Moi, je ne suis pas un gars qui cache bien grand-chose de sa vie, là, on va dire. Quelqu'un vient à 10-12 conférences avec moi ou 10-12 consultants, puis fuck, mais là, c'est ça. C'est basic de même. Moi, je travaille pour de la certitude. Je travaille pas pour le paraître. Moi, c'est la certitude. Tout ce que je fais, j'apprends une chose par jour. À tous les jours, je m'en vais au bar là, avec des fermiers, d'après moi-même, puis je lui pose des questions. Pas eux autres qui me posent des questions. Techniquement, c'est moi qui devrais les enseigner quelque chose. Non, moi, je les écoute. Puis là, je sais que ça vaut une tonne de maïs. Je sais comment ça vaut un bœuf. La certitude, c'est la base de tout. Tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu fais pour tes enfants, tout ce que tu fais pour les gens avec qui... tes côtoies, que tu les apportes de la certitude. C'est comme prendre des pièces d'or puis tu teintes en veux-tu. Si t'es d'un, mettons que tu es d'un événement quelconque, n'importe quel ça, peux-tu avoir la certitude que tous les facteurs qui sont autour de là, c'est fait par l'esprit pour t'apprendre de quoi? Écoute bien, c'est-tu toi qui as inventé la planète? C'est-tu toi qui as créé la planète? Qui a créé l'univers, c'est-tu toi? Non, hein? Donc, ce qui a créé tout ça, ça peut t'habiter. Puis si ça t'habite, bien, tu es capable de créer peut-être un petit peu plus petit que l'univers, mais tu es capable de faire ton univers. Mais pour créer un univers, as-tu déjà pensé à la quantité de certitude qu'il faut que tu aies? Hein? Écoute bien, là. Il y a des gens qui vont dire le rêve américain, c'est des gens qui ont parti de rien puis qui ont fait... c'est pas la fortune, il faut que tu regardes. C'est le comment ils se sont bâtis. Parce que la fortune, c'est une conséquence. T'es pas riche par hasard. C'est une conséquence. La richesse, c'est une conséquence. Puis tu peux être riche de bien des façons. Moi, je suis riche. Je suis très riche de la parole. Je suis un multimilliardaire de la parole. Mais j'ai pas le million dans mes poches. Oui. C'est la manifestation. La cohérence, c'est la manifestation de la certitude. Quand tu es sûr, c'est automatiquement cohérent dans l'action. Parce que la cohérence, c'est un état de réalisation. La certitude, c'est le capital. Il y a bien des gens qui viennent en consultation pour retrouver de la certitude. Ben, je les réenligne parce que moi, je dis tout le temps aux gens, même, la magie que je fais avec toi, c'est de te réaligner. Je te change ta perception de la vie. OK? Donc, la cohérence, c'est une conséquence. D'être sûr, oui. Ouais. Les gens qui manquent de certitude, c'est un gros, gros handicap. Beaucoup. Parce qu'ils doutent énormément. Hein. Le doute, là, ça, l'ami, que c'est mortel. Moi, là, quand je suis plus dans un doute, je fais du ménage. J'élimine tout ce qui me fait douter. C'est comme dans l'affaire de Trump, là, quand j'ai perdu mon chat. Là, je dis, wow, ces pensées-là, il faut que j'élimine ça. Là. Je ne pense plus à ça, je pense juste à mon chat. Je suis allé me coucher, puis j'ai dit, Punch, c'est Punch. Puis je dis, moi, allez te retrouver ses plans. Si t'es mort, moi, le savoir. Puis ça me disait qu'il n'était pas mort. Alors, là, je me suis couché, puis j'ai commencé à visiter le coin. En astral. Puis, quand je me suis levé pour aller aux toilettes, il était à la porte. Il m'attendait. Je vais voir la porte, il est rentré. on a des pouvoirs avec la certitude. J'ai pas investigué tout ce qui est possible de faire parce que, je te dirais ça platement, là, j'ai pas de modèle. Je suis le modèle. Ou s'il y a des modèles, j'aimerais ça en rencontrer. J'aimerais ça rencontrer des gens qui bénéficient de ce niveau de certitude-là, peut-être même plus, pour m'indiquer ce qu'ils peuvent faire. J'ai pas besoin qu'ils me disent comment, parce que je sais comment, c'est basic, mais qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec de la certitude? Je pense qu'un joueur de hockey, là, quand il est sûr, il est performant. Puis quand il doute, il n'est pas performant. Quand on va dire l'équipe a mal joué, là, c'est parce qu'il y en a un que, dans le lot qui a causé un état d'incertitude, de doute dans le groupe, puis les gens ont mal joué. T'sais, ça, c'est le problème. Et puis Kisuban, il était trop pas équipe. Il était trop dans lui. Lui, il réussissait, mais il ne partageait pas ça avec son environnement, cet état-là. Donc, quand ils l'ont éliminé, ils ont mis Weber. Puis, tu sais, lui, il était taureau. C'est moi, je veux posséder. Weber, il y a. Lui, il veut organiser, il veut administrer, il veut structurer. Donc, ils ont fait un bon choix. Price, il y a. Weber, il y a. C'est les deux gros leaders dans le show. Donc, ils génèrent de la certitude sur leur environnement. Ils amènent les gens à être sûrs d'eux autres. Donc, ça bénéficie à tout le monde. C'est le plus gros capital que vous ne pouvez pas avoir de la certitude. Écoute, demain matin, là, il t'a tiré 1 million dans le visage à cause de la loto. Si tu n'es pas sûr, tu vas le dilapider. Tu vas consommer pour te donner l'impression de. Parce que quelqu'un qui n'a pas de certitude, il est dans le doute, il se surimpressionne. Il est toujours à la recherche d'une impression. Tout le temps. Tandis qu'une personne qui a de la certitude, il est focusé, il est concentré. Est-ce que quand tu rentres dans un état de doute, est-ce que automatiquement tu devrais percevoir du stress dans ton psychique? Dans le doute, oui, ben oui. C'est ça qui est le plus stressant. C'est ça. Le doute, est par la couille. Parce que mentalement, quand tu es averti, c'est parce que tu es stressé. Le stress, c'est comme un warning, c'est quelque chose que tu lis. T'es pas cohérent? La certitude, la conséquence, c'est que tu es cohérent. Mais le doute devient cohérent. Moi, je regarde les élections américaines. Il faut que les Américains soient plongés dans un doute monumental pour aller se ramasser avec un président comme ça. C'est beaucoup, beaucoup de doutes qui a engendré cette toute confusion-là. Mais ils sont allés chercher quelqu'un qui avait de la certitude. Trump, t'appelles ça de la certitude? Bien, pour lui, il y en a de la certitude. Ouais, pour lui. Pour lui. Il n'est pas correct. Mais il a un objectif personnel. Il n'y a pas un objectif de non, collectivité. Non, il y a de la certitude. Il y a de la certitude pour lui. C'est quoi la différence? Bien, c'est que tu n'es pas capable de le transférer à d'autres. Piquet Souban, il y avait une certitude pour lui, mais ça ne se transférait pas à l'équipe. Donc, c'est quoi la conséquence? Bien, la conséquence, c'est la confusion pour les gens qui ne sont pas à ton niveau. OK, mais quelqu'un qui est dans cet événement-là, quelque part, il vit. C'est pas que le fait que Trump est là, ça veut dire qu'il y avait. C'est parce que lui dégageait ceux, puis tu avais des gens qui doutaient de Clinton. Le monde a voté contre Clinton, il n'a pas voté pour Trump. Okay. Tu ne fais pas tromper comme ça tout le temps dans ta vie, il était aux bonnes limites. Comment tu fais pour partager ta certitude? Ouais. Ta Bible? Ouais, il faut ta Bible, c'est ça. C'est la bonne réponse. C'est pas ta parole. Ta parole, écoute, si, on ne peut pas dire que Trump n'a pas parlé. Là. Mais c'est que dans ce qu'il parlait, ce qui vibrait, c'était de la confusion, l'incohérence. Tout pour faire douter. Il déstabilisait son environnement. Moi, j'ai souvent des gens me téléphonent, puis je dis va-t'en direct au but. Là. Parle-moi pas pendant 20 minutes de ton histoire. Parce qu'il me faut des paramètres, moi, pour savoir c'est quoi ton point. Je vis pas ta vie, moi, là. Je vis ma vie. Pas ta vie, je vis ma vie. Fait que pense pas que ta vie m'intéresse. Elle m'intéresse pas, ta vie. Mais si tu veux, je te donne de l'info sur ta vie, donne-moi des informations, puis surtout, réponds à mes questions synthétiquement. Donne-moi pas de détails. C'est pas dans le détail que je vais chercher mon information, moi. C'est dans la synthèse. Tu me fais une synthèse d'un événement. Puis à partir de la synthèse, je vais te dire, c'est ça. Fait qu'il est rentré de la certitude dans le coco, là. C'est pas des mots, c'est un état. Il faut que je rentre l'état. qui est en dehors de la performance. La performance, c'est une conséquence. Il faut qu'elle soit sûre. Tu ne peux pas performer en Formule 1 si tu n'as pas un backup en arrière. Le petit gars, Stoll, là, qui est nouvel arrivé, c'est comment son père a mis dans sa formation. Il est riche, le bonhomme, 30 millions. Peut-être des backups, peut-être des environnements qui ont une certitude de quelque chose. Le gars, il est backé. Tu sais, tout à l'heure, quand je vous ai dit, les études puis la famille, c'est bien important, là. C'est ça. C'était pas de famille. Moi, les consultants, c'est une famille, ça, là. C'est quoi, la peur de mourir? Mourir, c'est changer de plan. Je sors dehors, je suis dans un autre espace. C'est ça. Si je veux mourir à la salle ici, je change d'espace. Ben, je m'en vais dans un autre espace, puis j'ai changé de plan. Pourquoi on espère de mourir? Parce que vous avez peur du changement. Vous avez peur d'abandonner votre corps. Vous avez peur de bien des affaires avec la mort. Mais c'est surtout que vous abandonnez le corps. C'est parce qu'il y a un arrêt d'évolution de l'âme dans la sortie du corps. Mais pire que ça, moi mort, puis je suis une entité pour toutes vous autres. La crise! C'est le vide dans ma tête, je pense plus, merde! Mais non, on en a trop parlé, c'est rendu qu'il me l'a imposé. Maudite merde. Vous n'êtes pas capable de vivre libre. Vous avez tout le temps besoin d'avoir la tête pleine. Pleine de doutes. Le pire, c'est que si vous êtes toujours une tête pleine de doutes, lâchez ça, ça use. Parce que la certitude, c'est simple, puis il n'y en a pas beaucoup. Certitude, là, c'est comme du sirop. Là. C'est de l'eau d'érable, c'est du doute, puis du sirop, c'est la certitude. Ça part de la même source, d'un arbre, mais ça ne goûte pas pareil. OK. 164, les manifestations de l'esprit. Évidemment, vous me connaissez comme un occultiste, comme un gars qui joue avec l'occulte, hein? C'est moins qu'on peut se dire. Et mon monde s'élève aussi, mais disons que mon niveau de conscience, disons que ça va être plus simple. Mon niveau de conscience me permet d'aller chercher des niveaux d'information par le biais d'une lecture, principalement des événements que je côtoie, que n'importe quoi qui m'arrive, moi là, je fais ni plus ni moins qu'une sorte de décodage de la situation. En partant du principe que tout est lié, il n'y a pas d'événement qui est fondamentalement malheureux, il n'y a pas d'événement qui est par hasard, donc il n'y a pas de hasard, c'est toute chose est voulue par des plans qui sont plus intelligents que vous autres, ça va de soi, et puis qui sont capables de créer des controverses dans votre mental en vous faisant penser que c'est pas raisonnable, ça ne devrait pas exister, c'est les élections de Trump. Mais, tu sais, si on prédit l'apocalypse, il faut bien qu'il y en ait un qui déclenche ça, hein? C'est en bas. Moi, j'ai prédit ça en 2008. Je disais, pour moi, c'est Obama qui va être à pointe de ça. Puis en 2008, bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros crash international au niveau de la finance. Ça s'est replacé un peu, mais c'est pas... comment je dirais ça? C'est pas... on n'a pas extirpé le mal de la finance, OK? Là, avec un milliardaire qui est à la tête d'un pays comme les États-Unis, puis qui a accès aux bombes atomiques, puis tout le kit, un Poutine à la Russie qui n'est pas bien ben mieux, et un fou en Corée du Nord qui est prêt à tout, lui, avec la Chine, qu'il ne lui faudrait pas un gros prétexte pour pouvoir se placer dans une zone de conflit. Les Arabes qui ont déjà commencé à faire des comptes, les crises de religion, puis avec l'État islamique, ces choses-là. Fait que, on peut pas dire que c'est bien, bien logique, on peut dire même que c'est un chaos, mais malgré tout ça, l'intelligence se développe, dans le sens que les gens deviennent de plus en plus sensibles et plus, on va dire, voyants de leur vie, et deviennent nécessairement plus évolués que la moyenne des gens, malgré le chaos en question. Donc, toute chose qui se produit dans la vie a un sens, même quand l'événement en question est difficile. Okay. Moi, j'ai eu des chats, j'étais un amoureux des félins, c'est hors de l'ordinaire dans mon cas. Et puis, entre mon chat que j'ai perdu pendant une journée, qui m'a fait passer une nuit blanche, après les élections de Trump, qui m'a fait aussi passer une nuit blanche, je ne savais plus trop qu'est-ce qui me perturbait le plus, les élections ou la perte de mon chat. Je suis bien sensible au fait de perdre un chat. On est perdu une centaine dans ma vie. Puis celui-là, là, j'avais pas le goût pas en tout. Il est revenu aujourd'hui, il est revenu cette nuit à 2h30 du matin. Et puis j'ai tout oublié les élections, j'ai tout oublié ici, puis ça. Mm-hmm. Fait en d'autres termes, mon chat était plus important que le comportement des Américains. Ça veut dire que dans votre vie, vous devez défendre, parce que moi j'ai décodé l'événement, ça va de soi. C'est comme si les forces me ramenaient à mon chez-nous plutôt qu'à l'international. L'international, je ne peux pas agir dessus. Mon chat, je peux agir dessus. Fait que toutes les choses qui sont exprimées dans votre vie sous l'égide d'un drame, c'est pas le drame qui est le problème. C'est le fait que vous ne vous releviez pas du drame qui est un problème. C'est le fait que vous ne regardez pas en avant puis de ne pas comprendre que ça doit être un stimulus, ce drame-là, pour pouvoir aller chercher d'autres choses dans votre développement personnel. Donc, qu'est-ce qui vous permet de dire que vous êtes dans une dramatique? C'est l'âme, c'est le temps, c'est le souvenir, c'est la mémoire. C'est ça qui vous met dans la merde. C'est pour ça que je vous envoie voir le film Doctor Strange, parce que c'est très, très, très fortement exprimé la notion de temps, de souvenir, de mémoire, comme quoi c'est un blocage à l'individu. Un individu qui est conscient ne vit pas avec la mémoire, il vit avec l'action dans l'avenir. C'est tout le temps l'avenir. L'avenir, le temps présent, mais surtout la projection vers l'avenir. Donc, il ne veut pas se faire saisir, se faire prendre par la mémoire, donc par le souvenir, donc par la nostalgie, puis toutes ces babelles-là. Il faut tout le temps qu'il se projette dans un avenir où, lui, il s'améliore. Bon, là, vous allez dire, oui, mais on a des familles, on a des amis, on a ci, on a ça. Moi, hier, là, quand je suis perdu mon chat, là, je me collissais bien de vous autres. J'étais pas dans... Eux autres sont importants. J'étais dans le... Mon chat est important. J'étais dans mon temps présent. J'étais dans une sorte de rapport avec l'événement qui était en priorité avec le futur puis avec le passé. Je sais pas si vous comprenez. Donc, si je vais au niveau de l'émotion, ben là, je suis fait. Puis c'est pas une petite rhume que j'aurais aujourd'hui. C'est une grippe, j'aurais cancellé, là. Mais le fait que... Puis Céline, qui se trompe jamais, elle dit, il est mort sur la route. Il est fait à 132 deux fois. 3 kilomètres à gauche, 3 kilomètres à droite. Pas de chat. J'étais rendu, j'étais sur le bord d'avoir des visions. Aïe, aïe, aïe. Puis j'ai dit, es-tu mort? Et ils ont dit, non, il est pas mort. Ah, OK, je me sens comme ça. Je sens que le chat n'est pas mort. Mais il n'est pas mort, ça ne veut pas dire qu'il va revenir. Mais tout l'intérêt que je portais sur l'animal me ramenait à moi, dans mon besoin, et me sortait de toute l'expérience avec la bourse, puis avec Trump, puis ces affaires-là. C'est la nuit sur le stock market, où il y avait les élections américaines, j'ai quand même fait 26 000 $. C'est pas banal. J'ai fait la même chose avec le Brexit, j'ai fait 25 000. Parce que c'est des événements majeurs que, quand ça se produit, là, pendant 2-3 heures, là, c'est fourré de le marché. Là. Puis quand t'es capable de lire qu'est-ce qui se passe, bien, t'es emporté par le mouvement international, tu sais, la dynamique internationale. Bien, tu perds de vue un peu l'importance de te faire un café, l'importance de te laver les dents, l'importance de n'importe quoi, tu sais. Parce que là, t'es dans l'extérieur, t'es pas dans l'intérieur. Le chat, il m'a ramené à moi. Puis quand j'ai été ramené à moi, puis j'ai accepté comme, bon, ben c'est ça, il est revenu. Le petit est revenu. Puis lui, il avait d'ailleurs un gars qui revenait dans un bar, là, parce que c'était un mâle. Tout relax, même pas froid. Tu sais, c'était genre, j'ai été voir le voisin, puis je suis revenu. Tu sais. 2h30 du matin, quand même, un voisin, c'est rare qu'il reste s'élever jusqu'à cette heure-là. En tout cas, tout ça pour dire que, tant et aussi longtemps que vous vous servez de votre vie pour vous-même, vous serez mentalement équilibré. Mais si votre vie est à l'extérieur de vous autres, vous risquez de vous mettre dans un chaos et dans un déséquilibre très profond. C'est donc très important pour un individu de comprendre ce mécanisme-là de l'âme et de l'esprit. L'âme, c'est un travail constant pour vous emmener au monde de la mort, OK? Donc, vous récupérez dans le monde de la mort et vous laissez un bagage de souvenirs et de mémoires qui n'en finit plus. C'est Elvis Presley pour Forever. C'est les Beatles Forever. C'est tout le passé Forever. Ça, c'est l'âme. Pour tout ce qui est de l'esprit, c'est tout ce qui est l'espace, c'est tout ce qui est la liberté, c'est tout ce qui est la recherche de l'individualité. Donc, si vous êtes dans un processus d'individuation, d'individualité, vous allez avoir plus clairement un contact avec votre esprit. Par contre, si vous êtes astralisable, vous allez avoir énormément d'influences qui vont venir de la collectivité. Collectivité, la première collectivité, c'est le couple. La deuxième collectivité, c'est la famille. La troisième collectivité, c'est les amis. Puis la quatrième collectivité, c'est une visite dans le métro. OK? En voulant dire, c'est n'importe qui. Donc, plus vous êtes individuel, plus vous êtes centrique. Centrique, c'est soi. Point. C'est qu'un être qui est en l'âme, il est dans des rapports émotionnels tout le temps. Il n'a pas assez d'intelligence pour établir une connexion avec son environnement. Donc, sa manifestation est toujours troublée, à trouble. Pourquoi que les gens vont dire que Trump est dérangé mentalement? C'est parce qu'il passe son temps à troubler les autres. Il passe son temps à engendrer des conflits de comportement avec son environnement. Ça, c'est ça de l'astral. C'est ça de l'âme. C'est toujours une machine occulte qui trouble. Okay? Dès que vous êtes tombé dans des registres à caractère astral, vous êtes confronté à du doute. Puis votre capital dans la vie avec l'intelligence, c'est la certitude. Avec de la certitude, vous pouvez créer. Avec du doute, vous démolissez. Dès que vous doutez, vous êtes en mode destruction. Dès que vous avez de la certitude, vous êtes en mode construction. Vous vous faites pogner par le doute dans votre vie, vous êtes en train de vous détruire. Pas des farces, là. C'est pas banal. Je me souviens de... Moi, j'avais un propriétaire, Saint-Colomban, là. Il se tue sur l'autoroute. Ça faisait trois mois que j'étais dans sa maison. C'était fin. On avait fait une ride de moto. Bon. Mais là, il était en camion. Il allait livrer un quatre-roues motrices à son magasin, parce que c'est Nadon Sport. Puis il se tue. Il se fait frapper par un camion. Là, sa femme a dit, pourquoi c'est arrivé? Bien, je dis, il y avait telle planète, puis c'est puis ça. Puis avec telle planète, bien, c'est fatal. J'ai dit, fais attention, parce que toi, t'es né juste à un an d'intervalle. Puis t'as aussi des transits difficiles. Vous êtes deux vierges qui avaient une semaine de différence. Mais j'ai dit, vous avez à peu près les mêmes zones d'influence. Ça, fait que fais attention à ça. Puis là, j'allais des fois chez eux pour lui demander des affaires ou lui rendre service, peu importe. Puis là, je voyais, il était bourré de photographies de Claude. Puis je dis, Ginette, c'est pas bon, t'as ça. Là. T'es dans la mémoire par ses oreilles. Elle dit, moi, mon Claude, c'était ma vie. Ouais, mais là, ça va être ta mort. Là. Si tu continues, tu vas mourir de ça. Elle est morte un an. Il y avait une différence d'un an. Elle était plus jeune d'un an. Elle est morte un an et un mois plus tard. Du cancer. Puis j'avais dit à Benoît, j'ai dit, ta mère, là, il faudrait qu'elle lâche les photos, qu'elle brûle tout ça, là. Pas bon, ça. Ça va fucker son mental. Elle est morte du cancer. Le passé, le souvenir, le doute, parce qu'elle était rendue qu'elle ne pouvait plus travailler, ça l'a tué, littéralement. C'est le jeu de l'astral de vous ramener à la mort, tout le temps, de vous faire penser à la mort. Mais c'est pour vous dire, tout ce qui est astral vous ramène tout le temps à une destruction, en quelque part, dans le temps. Donc là, quand on voit un zozo là, qui est astralisable au plus haut degré, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire avec les États-Unis? Il va les emmener à la mort, il va les emmener à des conflits, à des rapports de force, à des conflits d'autorité avec d'autres pays, puis des affaires de même. Il a fait ça tout le long de sa campagne. Il ne changera pas demain matin. Là. Les gens, il faut donner une chance au coureur. Il a 70 ans, ça ne change pas, 70 ans. Il est une source d'instabilité incroyable. Puis les marchés, quand c'est instable, c'est payant pour les spéculateurs, mais c'est pas bon pour la structure économique. Il y a besoin de stabilité dans un pays ou dans tout ce qui existe. Le matériel, la stabilité, c'est à la base. Je me suis amusé à m'amener à voir comment est-ce qu'une femme pouvait être autonome dans la vie. C'est pas bien compliqué. Après avoir scanné, écoute, j'ai fait 40 000 consultations, puis il y en a au moins 39 000 que j'ai faites avec des femmes. Une femme, qu'elle ait des études, puis il faut qu'elle ait une bonne famille. si elle a un des deux qui est en défaut, ou si les deux sont en défaut, elle ne peut pas s'en sortir. C'est impossible. Le monde de l'homme exige qu'une femme performe plus qu'un homme. Il faut des études, puis il faut une bonne famille. Si tu n'as pas d'environnement familial, il faut une bonne gang d'amis. Puis ça, bien, quand tu n'as pas ça jeune, parce que tu n'as pas ça jeune, des amis, tu as ça à 15-20 ans, si ce n'est pas plus, tu ne peux pas t'en sortir. Fait que tu vas me dire, es-tu capable de... Ben moi, je peux être un bon père, mais je ne peux pas être un bon père et une bonne mère. J'ai pas le côté affectif de la femme qu'une femme peut donner à sa petite fille ou qu'elle peut donner à un environnement familial. Ben, si tu ne l'as pas, il n'y a pas toutes les femmes qui sont affectueuses. Tu sais, ça ne plaît pas, ça. Fait que l'autonomie, c'est un travail sur l'individu. C'est pas un travail sur ton apparence. C'est la pire affaire que les hommes ont faite aux femmes, c'est de les évaluer sur leur apparence, plutôt que de les évaluer sur le mental ou sur l'intelligence qu'ils ont. Bon, c'est en train de se changer, là. Les femmes vont plus aux études, ont plus d'habilité à apprendre que les hommes. Les hommes commencent à déserter les universités, déserter ci, déserter ça. Là, ça va donner un avantage aux femmes. Ça va se rétablir, mais ça va prendre 200-300 ans. Mais il restera tout le temps l'affaire de la famille. Si t'as pas une bonne famille, tu es en déséquilibre. Puis il y a une fille qui est déséquilibrée parce qu'elle n'a pas une bonne famille. Elle est toujours confrontée au fait qu'elle a besoin d'un homme. Un homme a besoin d'une femme. Pas de trouble là-dessus non plus. Mais c'est que le gars qui a besoin d'une femme, il la cherche pas pour sa tête. Il la cherche pour les avantages que ça lui donne d'avoir les services de la femme. Une femme, elle, quand elle est wise un peu, elle va dire c'est pas le mariage, c'est important, c'est l'héritage. Fait qu'elle va se mettre dans la tête d'avoir un bon héritage. Mais si elle a un gars intelligent qui s'occupe d'elle, bien là, elle va avoir la sécurité, puis elle va avoir ce qu'on appelle la bonne famille. Mais la famille est bien importante là-dedans. Donc, de l'esprit, c'est ce qui est intelligent dans l'être. Comment on développe ça? Une personne qui veut développer son intelligence doit passer par une chose fondamentale. C'est pas elle qui pense. Ça pense. On le dit, on l'a répété. Avec Bernard plus moi, ça fait 40 ans que vous l'entendez dire. Puis vous voulez tellement avoir le contrôle de Lévi que vous ne laissez pas Lévi faire ce qu'elle doit faire avec votre avenir parce que vous êtes tout le temps dans un conditionnement qui vient du passé. OK? Vous entendez que quand vous voulez le contrôle, vous voulez le contrôle sur une formation. Vous avez étudié, vous avez vécu des expériences, puis à travers vos expériences, vous avez dit, bon, bien, la vérité est que telle chose se passe. La vérité, c'est ça. Puis vous allez dire à quelqu'un, « Ah, c'est ça! » Puis si la personne vous conteste, vous allez la rejeter. Alors que quelqu'un qui est intelligent, s'il est pris dans une vague de contestation, il ne lit pas l'individu, il lit l'événement. Donc, il va dire, « Pourquoi cette personne-là conteste? Pourquoi ça se passe? Pourquoi... » Il se présente dans une zone de conflit, alors que moi, je veux juste comprendre ce qui se passe, ou comprendre ce que la personne fait, ou qu'est-ce qu'elle va faire comme action, ces choses-là. Tu peux apprendre autant dans quelque chose qui est facile que tu peux apprendre avec des zones difficiles. Moi, j'ai appris à me détacher de la mort ou la fin des choses avec la perte de beaucoup de chats que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est extrêmement souffrant avec les premiers, mais au bout d'une centaine, c'est moins pire. Ça me prend une journée, 2 heures, 4 heures pour me défaire de l'effet nocif. Parce que c'est très, très nocif. Tu n'es plus capable de travailler, tu n'es plus capable de fonctionner, tu respires mal, tu dors mal, puis maintenant, tu as le diabète. Mais la dynamique d'une personne devant la souffrance doit être vécue pour s'en sortir. Doit être vécu le plus mentalement possible. Si vous vous plongez dans les émotions, que vous faites jouer des disques, de la musique, puis vous allez voir des films qui vont tous vous mettre à l'envers, pensez pas que vous allez vous en sortir avec ça. Vous allez couler, couler, couler, couler et couler. Pas cool dans le sens de cool, mais dans le sens de couler, C-O-U. Tandis que cool, c'est C-O-O-L. Et que... C'est tellement différent à être intelligent de être intellectuellement, on va dire, philosophe ou intellectuellement spirituel, ou d'être intellectuellement perceptif comme les médiums. C'est tellement différent que quand vous basculez dans le monde de l'intelligence, donc de la conscience, donc de la perception en étant centrique de votre environnement, que là, vous allez premièrement constater que les gens sont très différents dans leur rythme d'évolution et qu'en plus d'être différents, ils ne sont pas nécessairement à votre registre parce qu'ils sont des êtres humains. Bernard Lemani nous avait dit, toutes les races existent, la troisième race, la quatrième race, la cinquième race, la sixième race. Il dit, nous autres, on est minoritaire, on est sixième race. C'est majoritairement cinquième race. Puis il y a encore beaucoup de gens qui sont quatrième, troisième race. Troisième race, là, c'est, ils vivent juste pour le vital. Ça peut vivre vieux, mais c'est bien proche du singe, tu sais. Fait que c'est juste des corps vitaux. Et on s'entend que s'il y a des gens qui ne sont pas de ta race, bien, il est très difficile d'établir une communication. Par contre, si tu es capable de te faire comprendre par un chat, un chien, si tu es capable de communiquer avec des animaux, tu es capable de communiquer avec des êtres humains. Tu as une affaire de vibration, on ne parle pas le langage, mais on est capable de se sentir sur des choses de base. OK? Dans un sens, c'est comme si je vous recommandais d'avoir des animaux. Tu sais, elle, pas elle, mais comment elle s'appelle? Céline, elle a un perroquet. Là. C'est hallucinant tout ce qu'elle peut faire répéter, cet animal-là. Je ne suis pas capable de faire ça avec mes chats, moi. Fait que, tu sais, tu peux arriver à avoir une communication avec les animaux, puis tu finis par avoir un agrément d'être avec un animal. Puis, tout ça pour dire quoi? C'est que je suis sûr qu'il y a des gens qui sont capables d'aller habiter l'émotionnel de n'importe quel animal. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont ce talent-là, ce pouvoir-là. Et ça, c'est de l'intelligence. Mais ce n'est pas de l'intelligence comme vous autres, vous pensez qu'il faut aller à l'université, faire des doctorats. OK? Mais le gars qui va faire un doctorat, il est intelligent aussi. Mais il maîtrise des facultés qui ne sont pas émotionnelles nécessairement, qui ne sont pas d'ordre vital. Ça peut être une intelligence purement intellectuelle, puis ça bloque là après, c'est fini, il n'y a plus d'autre chose. Une personne, pour moi, qui est intelligente, elle lit les événements. Donc, elle a accès à tous les registres d'interprétation de ce qu'il y a à faire pour pouvoir bien le faire. OK? Et quand vous allez voir le film Doctor Strange, eux autres, là, faire repousser un membre, c'est faisable. Bon. Moi, j'ai fait des exercices, donc j'ai travaillé avec les morts. Bon, je vais dire, un exercice, là. Mais oui, travailler un exercice. Faire parler les morts. Donc, il y a une autre vie après quand tu sois mort. Ça ne s'arrête pas ici. Ici, tu vis, puis à un moment donné, tu passes l'autre bord, puis de l'autre bord, tu continues à vivre de d'autres choses. Mais c'est un autre registre de perception. C'est un autre registre de communication. Et puis, si les morts ont tant d'attraction vers nous autres, par le fait de, justement, quand tu fais de l'exercice, tu vois que les gens ont des contrats entre eux autres. Un mort, tu ne lâches pas parce qu'il est mort. Un mort peut être harcelé pendant des années, parce qu'il y a un contrat qui n'est pas fini avec toi. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Bien souvent, ils vont se réincarner, les deux, trois personnes. Là. Des fois, il y en a plus qu'un. Là. Surtout ceux qui prennent de la drogue ou des médicaments ou de l'alcool. Là. Et souvent, ils sont pris avec trois ou quatre entités. Donc, vous pouvez avoir, dans des rapports avec les vies, des rapports avec des influences occultes, donc des gens qui sont sur d'autres plans, qui viennent, entre guillemets, vous hanter. Mais c'est pas du hanté, là, des poltergeists puis des affaires qui flottent sur les murs. Là. Non, c'est pas ça. C'est des états. C'est pour ça que quand les gens me parlent d'entité puis ils veulent voir des petits bonhommes, attache-toi pas aux petits bonhommes. Là. C'est pas une image qu'il faut que tu regardes. C'est l'état. C'est un état. Quand tu es capable de voir quel état qui t'influence, qui est pas toi, mais qui t'influence, donc qui est ailleurs, qui orbite autour de toi, c'est un début d'intelligence. Après ça, il te reste à voir les événements que tu actualises à cause de l'influence. Puis là, ça va te faire voir le contrat que tu as avec les entités. Tu sais, tu vas regarder les gens, ils ont des défauts. Ils ont des défauts. Tu ne peux pas avoir de défauts. T'es un double. C'est un double. Tu n'as pas de défaut. C'est quoi un défaut? C'est une influence astrale. Bon, il y a l'influence de ta programmation parce que tu n'es pas arrivé ici parfaitement intelligent, là, dans le sens capable de t'exprimer, de te manifester intelligemment. Fait que tu as des influences qui viennent de d'autres vies. Mais tu as aussi des influences qui viennent de contrats que tu as avec des entités. Moi, j'étais samouraï, puis quand je me sens mauvais et agressif, là, puis je le quitte, là, je le sens, le samouraï, là. Mais je sens l'influence de l'état de vie du samouraï. Comprenez-vous? Puis là, quand j'étais en consultation, puis j'écoute quelqu'un, j'ai été docteur dans le temps de la peste bubonique en Espagne. Je sens le docteur, tu sais, puis la volonté que l'autre guérisse, puis ci, puis ça. Bon, là, je suis plus dans la médecine physique, je suis dans la médecine mentale, mais ça reste que c'est encore cette influence astrale-là. Vous me suivez? Tous ces champs d'influence-là qui ont été ramassés au courant des autres vies, qui vous ont fait rencontrer du monde, puis ces gens-là, des fois, ils ont des, entre guillemets, des contrats qui ont pas pu finir avec vous parce qu'ils sont morts avant, vous êtes morts avant. Comme moi, si je meurs d'ici un an, deux ans, là, pour toutes sortes de raisons, j'aurais pas fini un contrat avec vous autres, mais on va revoir dans une autre vie, ou aller vous chatouiller les orteils pendant que vous dormez. Bon, je fais ça doucement, là, ouais, ça chatouille pas trop. Là. Fait que, mais c'est des éléments, ça, qui peuvent se faire dans votre vie d'aujourd'hui. Vous pouvez être en connexion psychique avec des gens de par l'esprit, pas par l'âme, de par l'esprit en dormant. Vous dormez, puis vous connectez des gens à ces plans. Ça, je le fais déjà, cette affaire-là. Mais c'est tout à votre portée, ces éléments-là. Si vous n'étiez pas pris par des contrats d'âme, ça se passerait. Mais souvent, dans votre sommeil, vous allez régler des contrats d'âme avec des entités, ces plans, avec lesquels vous n'avez pas fini des contrats. Puis qu'est-ce qu'ils veulent, les entités? Parce que, ben là, souvent, ils me disaient, ils disent, pose la question à l'entité qui se manifeste. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'elle veut de la personne? Ils ont tout un target bien spécifique. Ils veulent comprendre telle affaire. Ils veulent comprendre, exemple, un abandon. Ils veulent comprendre pourquoi ils n'ont pas réussi les études. Pourquoi ils haïssent leurs parents, puis, etc., etc. Donc, ils ont tout le temps quelque chose. Ils ont toujours quelque chose qui est un manifeste dans une manifestation. Il se manifeste en se manifestant à vous par la pensée et par le souvenir et par la mémoire. Donc, si votre mémoire est harcelée par des pensées qui ne sont pas cohérentes à votre vie de tous les jours, c'est parce que vous êtes sous influence. Fait que c'est clair que dans l'évolution de votre vie personnelle, d'être intelligent, c'est de lire dans les événements dans un premier temps. Puis éventuellement, quand vous allez être capable de lire dans l'événement, vous allez être capable de lire dans les influences astrales que vous avez avec des entités, dans les plans astraux. Puis dans le film, en passant, il y a un combat qui se passe carrément en astral. Les gens se dédoublent, puis vont se battre sur le plan astral. C'est crampant de voir ça. Bien, crampant. C'est pour du monde qui sont logiques puis intellectuels. C'est assez pour sortir de la salle, là. Mais c'est bien intéressant pour un gars comme moi qui comprend qu'est-ce que c'est ça. Fait que l'évolution de votre être, puis les manifestations de votre esprit, ça va apparaître dans les événements dans un premier temps, puis dans une lecture où vous allez pouvoir agir. Si vous n'êtes pas capable d'agir, c'est parce que vous êtes paralysé par votre pensée. Puis vous êtes paralysé à cause que vous mettez du doute dans votre action. Le doute, c'est l'élément le plus... C'est comme de l'acide à batterie qu'on verserait sur le corps. Ça t'enlève toute motivation, toute pulsion vers quelque chose. J'étais avec Alexine hier, puis à un moment donné, il fallait que j'aille chez mon doux, chez de la bouffe pour mes minous. Et puis, à un moment donné, ça me dit, faut que tu t'en ailles tout de suite. Je check l'heure. Il restait 14 minutes avant que ça ferme. Je dis, viens, attends, faut y aller tout de suite. On avait déjà payé. Puis on est sorti en bas dans le char. Puis je suis arrivé, le gars, il fermait la... J'étais l'avant-dernier client. Deux minutes après, il fermait la porte. Ça, là, quand ils te disent « faut que tu partes », c'est pas « ouais, je vais y penser ». Non, non, non, non, non. Va y penser, là, ton deux minutes qui est passé, puis tu arrives en retard, puis tu peux pas avoir la bouffe de chat. Puis là, pour moi, c'est dans le coin où je reste, là, c'est compliqué d'aller chez la bouffe de chat le lendemain. C'est bien du millage pour deux caisses de Friskies. Et que t'agis. Boum! Comment ça? Là, vous dites « ouais, mais c'est logique. Ouais, c'est logique. » Mais comment j'ai fait pour être averti qu'il fallait que je me lève puis que je parte tout de suite? On me le dit. Hein? C'est ça que vous devez comprendre. C'est que vous ne pouvez pas y penser. Vous devez le faire parce que ça vibre pour que ça se fasse. Ça ne vibre pas parce que vous y avez pensé. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous allez établir une logique, une stratégie, si vous aimez mieux, vous allez vous planter pour 95% des cas. C'est sûr. Le doute, ça fait des gens idiots. La certitude, ça fait des gens intelligents dans leurs actes. Moi, tu me présentes un individu qui a de la certitude, même s'il a, il est analphabète, moi, le suivre. Parce qu'il a de la certitude. Tu sais, le gars, il t'inflate sur le bord de la route, puis, mettons que ça serait un trisomique, un mongol, non, ça, c'est pas possible, mais quand même, tu sais. Moi, tu as changé ton flat. Puis je sens de la certitude. Ah ouais, vas-y, mon grand. Puis toc, toc, toc, toc, toc. On l'a fait. Ben oui, merci. Hein, je te donne 10$. Non, non, bon Dieu, vous m'en rendre. OK. Si bon Dieu, il est pas mal plus riche que moi, si tu as l'air, parfait. La certitude, c'est ça de l'intelligence. Le doute, c'est l'inintelligence. C'est l'idiotie. Tu es dans le doute, tu es un idiot. Tu vas faire des choses idiotes. Parce que tu es influencé par l'âme. Tu es influencé par des entités. Tu es influencé par des morts. Pas un mort. Un mort, il reste en vie, il veut vivre intelligemment. Mais s'il vient se coller à un vivant, c'est parce qu'il n'est pas intelligent. Il a besoin d'intelligence. C'est quoi de l'intelligence? L'intelligence, c'est une vibration. Tu vibres, tu peux agir. Un mort, il vibre. Il vibre quoi? Il ne peut pas vibrer qu'il n'y a pas de corps. Pas de corps, il a besoin d'un corps. Pour vibrer, il faut un corps. Alors, il va se coller à un vivant pour avoir le corps du vivant qui va vibrer. Puis lui, il va essayer de piloter ça en te faisant penser que tu penses. Mais en réalité, c'est lui qui te fait penser. Hey, wow! What's the deal, man? Là, il va monopoliser ton mental avec des souvenirs et des mémoires. Puis toi, tu vas faire le yo-yo en bas là, pour pouvoir commencer à faire ce qu'il veut. Hey, après ça, il va évoluer. Évoluer sans souffrir. Évoluer sans conséquences. T'sais. On va essayer ça. Ouais, essaye ça, man. Puis tu perds 2 000$, tu perds 10 000$, tu perds 50 000$, tu te mets en faillite. Ouais, il l'a essayé en maudit. Hein? C'est toi qui paye ici, par exemple. Être sous influence, c'est la pire affaire qu'il n'y a pas. Puis que ce soit l'influence de quelqu'un, peu importe si la personne est vivante. C'est pas parce qu'elle est vivante qu'elle est intelligente. Une vivante, elle peut être intelligente. Mais elle n'est pas nécessairement intelligente. Parce qu'elle peut être possédée par toutes sortes d'éléments d'influence, elle aussi. Puis, ça peut être une entité qui pilote, puis elle essaie d'en piloter deux de front. Fait que tu écoutes parler à personne, tu te dis, wow, c'est pas cohérent, cette affaire-là. Là. Et si c'est pas cohérent, moi, tu me laisses influencer par une incohérence. Puis là, bien, il faut que tu saches. Comment tu vas savoir que tu peux écouter ou pas écouter? Tu regardes le comportement de la personne, elle a peur. Une personne qui a peur, c'est pas intelligent. C'est une personne qui n'est pas cohérente. Une personne qui n'a pas peur n'a pas de problème de cohérence. Donc, ça demande beaucoup de cohérence à être intelligent. Puis de l'intelligence, ça demande tellement d'être cohérent, il faut que tu voyes tout autour. Conduire un auto, là, vous ne pouvez pas regarder le dash de votre char puis conduire. Hein? Vous devez regarder en avant, puis oublier le dash, puis checker le dash pour savoir à quelle vitesse vous allez, parce qu'il y a des étiquettes possibles. Mais il y a une chose qui est certaine, il faut que vous regardiez en avant. Les miroirs de temps en temps, pour savoir s'il n'y a pas un malade qui essaie de vous dépasser. Mais c'est tout le temps de regarder en avant. Être intelligent, c'est coordonner ce qui se passe autour de vous et vous assurer que vous avez les réflexes pour le faire. Moi, j'embarque dans mon auto, puis je pars mon char, puis je pars pas tout de suite. J'essaie de voir si mon corps est adapté à conduire, parce que j'ai une auto qui est très, très performante. Puis il faut que je sois capable d'avoir une bonne mesure sur la pédale. La dynamique de la cohérence, c'est la mesure de votre intelligence. Plus vous êtes cohérent, plus c'est intelligent. Moi, les gens viennent en consultation, j'essaie de voir ce qui les rend cohérents, puis ce qui les rend en perte de cohérence. Donc, qu'est-ce qui crée du doute dans leur vie. Et puis, je fais toutes mes consultations, c'est à la base de les ramener à une cohérence. Le faire retrouver une stabilité et une cohérence. Peu importe le style, il y en a, ils ont tous les genres. Hein. Il y a des gens... ça a peur de tout, ça a peur des araignées, comme moi d'ailleurs. Parce que quand tu rencontres une tarentule, je sais pas, j'ai envoyé quelqu'un à la place. J'ai dit, va donc l'envoyer. Tarentule chez nous, non, pas capable. Une moufette, oui, mais pas une tarentule. Enfin, il faut croire que les insectes, c'est ma hantise. Chaque individu a ses dadas de performance, puis a aussi ses dadas de déséquilibre. Puis il faut que vous soyez capable dans votre vie d'identifier vos zones de déséquilibre puis être capable de l'étudier à partir de votre intelligence et non pas à partir de votre âme, parce qu'au niveau de votre âme, il n'y aura pas de fond là-dedans. Vous allez avoir peur, peur, peur, peur, peur. Moi, je ne suis pas fait pour les hauteurs. Je monte dans un escabeau, puis déjà, ouh! Donc, les hauteurs, pour moi, là, descendre l'escalier chez nous, là, c'est une expérience à chaque fois. il y a une conscience de ton individu après de l'action. Si vous êtes dans l'action puis vous n'avez pas conscience de votre individualité, vous êtes en danger. Puis je vous le dis, c'est pour tout le monde. C'est pas juste moi en haut de l'escalier. Si vous n'êtes pas conscient de votre individualité et que vous allez vous placer dans une action où il y a une collectivité ou une quelconque forme de risque, vous allez vous mettre en danger. Vous n'avez pas de danger, peu importe le risque, si vous êtes cohérent. Puis la peur, c'est la meilleure mesure. Je peux vous le dire parce que j'ai fait de la compétition, de différentes formes de compétition. Puis quand j'étais en moto, là, ben, je vous parle en moto parce que c'est l'affaire que je suis sûr que vous n'avez pas faite, 280. Mais pour être en 280, premièrement, il faut que tu aies vérifié ton bicycle le matin. Tu aies vu si tu as assez d'air dans les pneus. Puis si tes pneus sont capables de prendre ces vitesses-là. OK? Ça, c'est premièrement. Tu vérifies la moto avant d'embarquer dessus. Après ça, tu embarques dessus. Puis quand tu embarques dessus, il faut que tu saches si toi, tu peux rouler à cette vitesse-là, à ce moment-là. Parce que des fois, moi, 160, j'en avais plein mes bottes. Là. Fait que monter à 200, c'était trop vite. Là. Puis une autre journée, bien, 230, on pouvait cruiser avec cette vitesse-là. L'évolution d'un être dans la cohérence, c'est le fun de vivre. L'évolution d'un être dans le doute, toute sa vie va vouloir mourir. Parce que le doute, c'est l'enfer de l'être. Fait que l'évolution d'une personne se base sur l'évolution de la certitude. Peu importe ce que tu parles, comment tu parles, si tu es sourd ou muet, de la certitude, ça vaut de l'or. Fait que quelqu'un qui a de la certitude, peu importe la certitude d'où elle vient, une personne qui a de la certitude, elle peut réaliser tous ses rêves. Vous voulez que je vous aide à réaliser un rêve? Laissez-moi vous coacher pour avoir de la certitude. Puis je vous garantis que votre rêve est à portée de main. N'importe quand. N'importe quand. J'ai fait le tour de pas mal d'affaires dans ma vie, pas juste la moto, pas juste la bourse, un paquet d'éléments. Même, écoute, mon expérience me garantit que n'importe qui peut se marier. C'est pas recommandé, remarquez, mais si vous voulez douter, vivez ça. Mais je peux vous garantir, pour les gens qui sont en recherche de couple, que c'est faisable d'aller se remettre les pieds dans la marbre. Et que l'évolution d'un être, de la certitude, tu peux être sûr que tu veux te faire mal, au même titre que tu veux être sûr que tu veux t'en sortir, c'est toujours le comment est-ce que tu te places devant une évolution qui va peut-être te présenter un risque, un abandon, un déséquilibre, un conflit. L'évolution d'un être, c'est la certitude. C'est juste ça. Si vous voulez changer de religion, vous dites, ah ben moi la conscience, le supramental, je m'en contrefous. OK, fine, j'ai pas de problème avec ça. Mais la certitude, ça, c'est général à tout le monde. N'importe qui sur la planète va avoir besoin de certitude. Si vous voulez, dans votre vie, réaliser un rêve, développez-vous un capital de certitude. Moi, je fais de la bourse pour avoir un capital de certitude. Comprenez-vous ce que je fais? Même si c'est fictif, la vibration de la certitude. Allez rentrer dans le marché, là. Prenez des décisions, 15-20 décisions par semaine, là. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça, même si c'est en fictif. Parce qu'il faut quand même que ta décision soit right on. Puis si t'es pas capable de faire des positions right on, tu développeras pas de certitude. Après ça, tu vas te casser dans le marché avec 10 000 piastres dans le compte. Hey, voyons donc, tu vas le perdre. T'as une affaire de 2 mois max, ils vont te vider. Parce que t'as pas de certitude. La certitude, c'est la base de tout. Mais la certitude, c'est entouré de paquets de choses qu'il faut qu'ils soient sûrs ensemble. Moi, si je suis sûr de conduire, mais mon char n'est pas sûr. Les pneus sont dessoufflés, le moteur, il claque, ces choses-là. Je peux être sûr. Moi? Mais mon environnement ne me donne pas d'assurance. Donc, j'ai un problème de certitude. Je n'ai pas nécessairement un problème de certitude personnelle, mais je peux avoir un problème de certitude mécanique. La sécurité, c'est de la certitude. La certitude découle d'une sécurité. Plus vous êtes sûr, plus vous entretenez une psychologie pour vous donner de la certitude, vous n'avez pas d'idée jusqu'où ça peut s'étendre. Parce que vous autres, vous allez penser que, je ne sais pas, vous êtes sûr au badminton que ça n'a pas d'incidence sur vos finances. Tout ce que tu vas bien faire au badminton va te faire bien faire d'autres choses ailleurs que le badminton. Si moi j'ai un excellent money management sur le stock market, j'ai conséquemment un maudit bon management dans ma structure financière. Bien qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais je te dis qu'ils gèrent bien ça. Puis en gérant bien ça, bien, ils survivent, puis ils s'amusent. Ils vont aller louer une cassette vidéo, puis ils font ça en famille, ou ils invitent des amis, puis chacun amène sa bébelle, son plat de chips, les crottes au fromage, ces choses-là. Puis ils se font des parties que tu n'as même pas, toi, quand tu vas au cinéma, là. Ils développent une certitude dans un environnement, puis ils sont capables de construire leur environnement avec des choses simples. Comprenez-vous ce que je veux dire?